Faites-moi donc couler de l'eau en hectolitres derrière les balustrades d'un beau jardin anglais. Le contenu est là, maintenant trouvez le titre et déposez cette œuvre dans mon jardin secret. Prenez la décadence comme un jeu dépassé. Au rouage de l'oubli, l'ancienne déchéance. Nous ne sommes que des vagues au flot démesuré, des vagues qui se heurtent sur les dunes de l'errance. Sur la frette de la joie et plaquer cet accord qui fait vivre le matin. Agrippez en vous-même ce petit je ne sais quoi et faites-le fleurir pour vous et vos copains. Faites-moi donc couler de l'eau en hectolitres derrière les balustrades d'un beau jardin anglais. Le contenu est là, maintenant trouvez le titre et déposez cette œuvre dans mon jardin secret.